Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Albert Schweitzer, pionnier de la médecine humanitaire. Quand je suis revenu de Port-Gentil sur le fleuve, vers le soir, je me demandais quelle est la solution du problème de l'éthique. Et tout à coup, le mot « respect de la vie » était devant moi. Je ne sais pas comment. La vie d'Albert Schweitzer bascule en quelque sorte ce fameux soir de 1913 où cette notion de respect de la vie s'impose tout à coup à lui comme une évidence. Cette philosophie du respect de la vie va devenir son moteur, le pilier sur lequel va reposer toute son action. Albert Schweitzer est surtout connu pour le travail qu'il accomplira à son hôpital de Lambaréné au Gabon, mais Albert Schweitzer, c'est aussi une manière d'homme universel, musicien, philosophe, théologien et médecin, bien sûr. Il sera considéré par le magazine Time en 1947 comme le plus grand homme du siècle et on va lui décerner en 1952 le prix Nobel de la paix. Il a rendu célèbre ce petit village du Gabon au nord du fleuve Ogoué simplement parce qu'il a choisi d'y passer sa vie il y a 50 ans. Quand on prononce aujourd'hui dans les salons et les académies du monde entier le nom du docteur Albert Schweitzer, ce n'est pas d'abord l'organiste célèbre qu'on évoque, ni le théologien, ni le philosophe, ni le médecin, ni même le héros du prix Nobel de la paix, mais ce coin de brousse et ces quelques maisons au bord du fleuve qu'on appelle Lambaréné. On ne sait pas s'il est sensible au bruit du monde. En tout cas, celui-ci ne le détourne pas de ce qui fait sa vie. Nous l'avons trouvé au milieu des silhouettes d'infirmières qui font partie de sa légende, habité par les mêmes soucis qui le hantaient sans doute il y a 30 ou 40 ans. Il n'y avait pas de village de lépreux. Les lépreux avaient quelques petites cases parmi les autres, mais c'est seulement alors que j'ai pris la décision, en 1953, de créer un village de lépreux. Vous avez mis combien de temps pour le faire? 2 ans. D'abord, j'ai dû créer le terrain, n'est-ce pas, parce qu'il fallait le surélever pour qu'il y ait un peu d'air. Et alors, j'ai construit le village. Extrait d'un reportage diffusé à l'émission 5 colonnes à la une en juin 1961. Pour nous présenter Albert Schweitzer, nous recevons son petit-neveu, Alain Deloche, qui est chirurgien cardiaque, cofondateur de Médecins du Monde et fondateur de l'association La Chaîne de l'Espoir. Alain Deloche est dans nos studios de Paris. Alain Deloche, bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre grand-oncle, Albert Schweitzer. Vous ne l'avez pas vraiment connu, mais... J'étais un peu jeune pour le connaître, mais dans ma famille, on m'en parlait beaucoup. Je dirais même que Albert Schweitzer était dans mon berceau. Ah bon? Ben, parlez-nous, en fait, puisqu'il était dans votre berceau, d'une certaine manière, de la première chose qui vous vient en tête quand on pense à Albert Schweitzer. Moi, je pense à l'engagement et à aller vers les autres hommes... et surtout ceux qui souffrent. Donc, c'est une pensée et un engagement. Oui, cette pulsion, d'ailleurs, qui va être là toute sa vie. Explication d'un grand mystère pour nous, Alain Deloche, je l'évoquais au tout début de l'émission, de son vivant, Albert Schweitzer a été célébré. C'était quelqu'un de très, très connu. Je le disais, en 1947, c'est pas rien. Le magazine Time le désigne comme le plus grand homme du 20e siècle. En 52, le prix Nobel de la paix. Pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a un peu été oublié. Pourquoi? Alors, c'est un grand mystère pour moi, parce que pour ma génération, c'était une sorte d'icône et qui a provoqué beaucoup de vocations, surtout en médecine humanitaire. Et puis, dans les années 70-80, j'ai senti l'oubli progresser. Ouais. Et au 21e siècle, l'oubli fait son œuvre et cela me rend très triste. Ouais. Mais c'est quand même... Il y a vraiment quelque chose de... Un mystère, vous le dites bien, parce qu'il était si connu et aujourd'hui presque passé à l'oubli. On va essayer de le faire revivre un petit peu, en tout cas, durant ces 23 minutes. Commençons par le commencement. C'est une partie que vous connaissez, justement, puisque c'est les origines. Il est né en 1875, à l'époque où l'Alsace était toujours allemande. Parlez-nous de son milieu familial, qui est le vôtre, en partie, en tout cas, de sa jeunesse. Quel genre de jeunesse il a? Et à quel milieu il appartient, le petit Albert? Un milieu très religieux, beaucoup de pasteurs engagés dans sa famille, et je dirais rigoureux, mais joyeux. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était très particulier, son ambiance de famille, mais tout était là pour un engagement. Oui, en fait, c'est, au fond, il a répondu à un appel de Jésus. Quand il a senti qu'il fallait faire sa médecine sur le tard pour aller exercer la médecine en Afrique, c'était quasi un appel. Ouais. Donc tout était préparé. Et de fait, avant de choisir de servir par l'entremise de la médecine, l'appel, ce sera carrément l'appel religieux. Il sera vicaire, il va faire un doctorat en philosophie, en théologie. Bien sûr. Directeur du séminaire de Strasbourg à un moment donné. Tout à fait. Organiste. Ouais. Organiste, voilà. Ça arrive très vite dans sa vie, la musique. Très vite. Et donc, au fond, vers la trentaine, sa vie était tracée. Oui. Là, c'est presque un mystère de l'engagement, de l'appel, de répondre à un appel. Pourquoi il a fait sa médecine à plus de 30 ans? Ouais. En fait, c'était la seule façon pour lui de... D'agir. D'être utile, d'aller en Afrique. Je veux quand même qu'on... Parce qu'on va évidemment consacrer le gros de cette émission à ce qu'il fera justement au Gabon, mais un petit détour quand même par la musique, par l'orgue, par Bach, parce que c'est par là qu'il commencera, au fond, et très, très jeune, il s'adonnera à la musique. Son père était musicien. Je propose d'écouter un petit extrait, un autre extrait de l'émission 5 colonnes à la une, diffusée en 1961. Mmh. Vous allez d'abord y entendre Albert Schweitzer interpréter une fugue de Bach, puis parle un petit peu de l'importance qu'a la musique pour lui. Je tiens à rester organiste, à pouvoir jouer quand je rentre en France. Vous avez un piano à pédale à orgue, quoi? Un piano à pédale à orgue, n'est-ce pas, que la Société Bach de Paris m'a donné parce que pendant 10 ans, j'étais son organiste. Pour tous les concerts, pour toutes les cantates, j'arrivais de Salzbourg. Parce que j'avais, n'est-ce pas, la tradition de l'accompagnement des cantates à l'orgue. Vous m'avez dit d'ailleurs que c'était parce que vous étiez musicien qu'au fond vous aviez pu trouver les fonds pour mon hôpital. C'est vrai. C'est ce que vous appelez la chance dans votre vie, non? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mais tout de même, docteur, il faut un peu plus que de la chance pour arriver, par exemple, à bien jouer de l'orgue. N'est-ce pas, mon grand-père jouait de l'orgue déjà très bien, il était un musicien. Et moi, à l'âge de 8 ans, j'ai grimpé à l'orgue de village. Le maître d'école m'a permis de jouer. Alors la musique, toujours, fera partie de sa vie, Alain Deloche. Oui. Alors, il était musicien et musicologue. Oui. Car il a écrit des ouvrages sur l'art de jouer Bach. Et pour lui... Je ne sais pas si c'est exprimé de cette façon, mais je crois que pour lui, Bach, c'est un chemin vers Dieu. Ouais. On y revient toujours à musique. Dieu. Oui, parce que il n'y a pas plus parfait comme musique. Ouais. Et donc, la musique est une des valeurs de sa vie. Et rappelons-nous qu'à Lambaréné, il jouait tous les soirs du Bach. C'est formidable. Ouais. Et il va, c'était évoqué dans l'extrait aussi, mais cette musique va lui permettre aussi, quand il ira en Europe, aux États-Unis, de faire des concerts pour financer ses activités à Lambaréné. Vous l'avez un peu évoqué, j'allais dire par accident, il devient médecin, fait se faire sa médecine à 30 ans quand même, parce qu'il veut... Plus de 30 ans. Parce qu'il veut aller travailler en Afrique. Oui, il a répondu à un appel d'un petit journal, un journal des... qui circulait à l'église, je crois, appelle pour prendre un dispensaire au Gabon. Ouais. Et il a répondu, c'est comme un choc. C'est le chemin de Damas, c'est-à-dire « viens et suis-moi ». L'appel de Jésus, c'est « viens et suis-moi ». Et il a répondu à cet appel. Ouais. Mais il devait être médecin pour y aller. Donc le Gabon, c'est aussi un hasard, donc. Oui, c'était un appel du journal des missionnaires. En effet, quand on imagine, parce que moi, l'Embarréné, j'ai pu le visiter deux fois, je vous assure que c'est un endroit très perdu, ouais. En pleine forêt vierge. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et c'est dans cette forêt vierge, il l'évoquait au tout début de l'émission, Albert Schweitzer, cette vision qu'il a. Je pense qu'on peut presque parler d'illumination de vision. En tout cas, quand on le lit, décrire ce qui se passe ce fameux soir de 1913, racontez-nous ça, le moment où tout à coup, ça devient clair pour lui. Il y a cette idée de respect de la vie qui s'impose et qui sera son moteur pour toute sa vie, justement. C'est plus que de l'humanisme. C'est une philosophie de vie, bien sûr, d'origine religieuse, on ne peut pas le nier. C'est comme une théologie de l'action, mais cela dépasse la théologie. Le respect de la vie, quelque part, c'est un principe qui est toujours d'actualité dans beaucoup de domaines, pas seulement la médecine, parce que ça, c'est évident, mais prenez l'écologie, le souci de garder notre planète propre, c'est le respect de la vie. Donc là, pour moi, c'est l'idée la plus forte d'Albert Schweitzer. Ouais. Et il classe un peu le monde en... Il y a ceux qui défendent la vie et il y a ceux qui la méprisent. C'est un peu ça, je pense, sa vision. Oui. Ouais. Oui, et quand on y réfléchit, respect de la vie, c'est tout un engagement. Ouais. Oui, tout un engagement qui est parfaitement d'actualité. C'est très beau. Je reviens sur ce passage où il décrit cette illumination. Il est sur la rivière, sur une rivière, et tout à coup, il médite, il pense, il écrit, il griffonne. Et c'est là où il se rend compte, mais oui, c'est clair, c'est l'évidence, c'est cette idée de respect de la vie qui guidera mon action. En même temps, il dit, quand il raconte ça dans ses écrits toujours, qu'au cœur, au fond de son action humanitaire, il y a cette idée de redonner en échange de ce qu'on a reçu. Il y a, encore là, on y revient, quelque chose de très judéo-chrétien là-dedans. Très judéo-chrétien, c'est la volonté de partager, la volonté d'aller vers le plus démuni, son frère lointain. Tout ça, c'est d'une force. Et en tant que médecin humanitaire, on peut dire qu'il était là déjà un précurseur. Ouais. Mais ceci dépasse la médecine dans son engagement. Ouais. Vous pensez à quoi ? D'autres ? Quand on imagine à son combat contre la bombe atomique, on voit très bien qu'on a dépassé la médecine et qu'on en vient là à un niveau planétaire. Mais toujours, encore une fois, avec cette idée de respect de la vie. Respect de la vie. Ouais. C'est la base et c'est une des bases de ma vie également. C'est son message pour moi. Il va devoir quitter le Gabon pendant la Première Guerre mondiale, Alain Deloche. Il est fait prisonnier, tout simplement, comme ressortissant allemand. Il se retrouve en prison, donc en France. Comment il va vivre ça? Très mal, je crois. Alors, il a cette force. Je pense qu'il avait une force intérieure qui lui permet de supporter l'insupportable. Parce que, quelque part, il est né dans l'Alsace allemande. Et il se revendique alsacien français. Ouais. Donc on peut imaginer ce que cet enfermement a pu provoquer chez lui. Et il n'a, au fond, dans ses écrits, il est révolté, mais il se consacre à la pensée, à la signification de tout cela. Et je pense que ça a été très important pour lui de dépasser, au fond, cet épisode épouvantable. Incompréhensible. Et qu'est-ce qu'il trouvera dans cette épreuve pour le relancer? Ben je crois, au fond, de surmonter les frontières dans un engagement de vie. Ouais. Car tout de suite après la Première Guerre, il se réengage au Gabon, enfin il retourne au Gabon, pour en plus s'étendre en termes d'influence, car l'Embarréné, à ce moment-là, devient un hôpital-village. Oui. Alors, parlez-moi de ça, parce qu'il sera donc... il va s'installer au Gabon pour toute sa vie. À 50 ans. À quoi ça ressemble, ces 50 ans au Gabon, à l'Embarréné, au jour le jour? Comment ça se passe, cette vie à l'hôpital et au village? Alors, l'Embarréné est un endroit perdu dans le monde. Vous voyez, c'est vraiment éloigné de tout. Ouais. Et il était très précurseur, sa façon, et il est devenu médecin bâtisseur. car il a conçu son hôpital, l'hôpital Village, avec des groupes. Il a groupé les malades, en particulier les lépreux, les malades atteints d'affections psychiatriques. Et il avait une règle de vie dans cet hôpital qui mêlait au fond l'humain et la médecine. Par exemple, il ne faisait pas payer les malades. Mmh. Il leur demandait en contrepartie des services. Des services, aider à bâtir par exemple, et d'autres engagements au niveau de cette cité. Ouais. Car il avait vu là l'importance sociétale d'un hôpital. Quelle importance, de fait, cette société en taille, par exemple, en combien de gens vivent à Lambéréné? Il est difficile de dire, parce que les gens venaient pour y être soignés, ils restaient parfois des semaines, voire des mois, et donc c'était un carrefour. C'est véritablement un carrefour. Alors, l'équipe soignante était finalement pas si nombreuse que ça, une vingtaine de personnes. Ouais. Plus, c'est tous ces malades qui venaient en famille. Non, là, il a vu juste, là. Il avait vu, il s'est mis, j'aime pas le terme, hein, à l'africaine. Ouais. En fait, il se disait, vous me corrigerez, mais pour que ces gens viennent chez nous se faire soigner, il faut qu'ils se retrouvent chez eux. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Ouais. Exactement. C'est bon. Ce que je voulais dire. Il y a autre chose d'assez spectaculaire presque chez Albert Schweitzer. C'est un côté très moderne, c'est un côté très avant-gardiste. C'est que pendant qu'il est donc à Lambéréné au Gabon, il fait la navette constamment entre le Gabon, les États-Unis, le Gabon, l'Europe, pour aller chercher l'argent nécessaire pour faire fonctionner son hôpital et son village. Les gens qui s'occupent aujourd'hui de marketing pourraient dire que c'est un précurseur, Alain Deloche. Ah, ben là, je confirme. Il avait vu juste, parce qu'il voyait bien qu'au fond, ce n'étaient pas des fonds, comme on dit, institutionnels. Ils n'étaient pas soutenus par des gouvernements. Ils étaient soutenus par des dons privés, ouais. Des partenaires. Et il a été trouvé, en particulier aux États-Unis, des sommes importantes pour équiper son hôpital. Il a donc mobilisé beaucoup de personnes pour l'aider à faire fonctionner son hôpital. Et pas seulement aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en France, en Europe. Donc, souvenons-nous également de son look. Ouais. Alors, ça aussi, c'est moderne, le côté médiatique qu'il a. Il est connu, c'est à ce moment-là où c'est une grande célébrité, où Time dit... Bien sûr. Ouais. Il a l'habit, et c'est tout de blanc vêtu, avec son casque. Il y avait donc là tout pour faire une icône. Ouais. Il incarne, au fond, cette aide humanitaire occidentale en Afrique, c'est un peu ça. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, il était, à mon sens, précurseur de Médecins sans frontières. Ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Bernard Kouchner le dit souvent. Il était très imprégné par les écrits d'Albert Schweitzer. Ouais. En même temps, c'est l'homme de son temps, ce qui fait qu'il y aura, au fil du temps, justement, de très nombreuses critiques par rapport à, d'abord à la médecine qu'il va pratiquer au Gabon, mais aussi à la nature de ses rapports avec les Africains. Je vous propose d'écouter un extrait d'une entrevue qu'accordait Bassek Bakobio, réalisateur du film Le Grand Blanc de Lambéréné, à l'émission Un air de famille, animée par Dominique Payette en 1995. De toute façon, c'était un mauvais médecin. Si c'était un bon médecin, disons qu'il ne voulait pas se situer dans l'orthodoxie de la médecine. Il a eu une conception assez bizarre du dosage de médicaments selon qu'on est noir ou qu'on est blanc, n'est-ce pas? Comment ça? Est-ce qu'il considérait que c'était des corps différents? Extrêmement différents. La preuve, c'est qu'il demandait aux noirs de venir avec toutes les familles, leurs chiens, leurs chats, leurs poulets, parce qu'il fallait reconstituer le milieu africain. Mais moi, j'entends par là le milieu tel qu'il le concevait, assez sale, assez bordélique, n'est-ce pas, des villages. Et à côté, il y avait une salle d'hospitalisation pour les médecins, les malades blancs, qui était presque à côté de sa maison, où tout était propre, tout était blanc, n'est-ce pas, et qui mangeait avec lui à table. Alors que, disait-il, les Africains, la nourriture qu'il avait n'était pas la même que la sienne. Et vous dites d'ailleurs qu'il n'a jamais mangé avec des Africains à sa table. Non, ça c'est capital. C'est capital parce que je dis jamais, je n'ai vu dans un texte de lui disant « Bon, je suis revenu de tel village où j'ai mangé avec tel chef ou bien j'ai invité tel chef à manger. » Et lorsque j'ai commencé à écrire le scénario en 92, que je suis allé à Lambéréné, que je poussais la porte du réfectoire, que je me suis rendu compte que d'un côté comme de l'autre de la table encore, il y avait une trentaine d'Européens là, avec aucun noir, Parce qu'en 92, encore, il n'y avait aucun noir comme médecin à la Barrenée, n'est-ce pas ? En respectant, je crois, en cela, le précepte et la tradition schwarzerienne. Parce que Schweitzer ne croyait pas qu'un noir pouvait devenir médecin. Non, non. Il pensait véritablement que nous étions appelés à nous améliorer, mais à nous améliorer chez un certain niveau. Alors, c'est peu flatteur, ce qu'on vient d'entendre. Oui, Comment vous décodez Il y a eu des critiques. On a dit que c'est quelqu'un qui a fait de la mauvaise médecine, qui était colonialiste. Non, je connais les critiques. J'essaye de les comprendre. Non, peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher quelque part, c'est de ne pas avoir intégré la médecine moderne. Ouais. Il avait beaucoup de mal à, par exemple, installer un appareil radio qu'on lui avait donné provenant des États-Unis. Et il était prudent dans ses progrès, dans le sens où, dans l'endroit où il était, il dit « qu'est-ce que ça va changer dans ma pratique ?» Ouais. Et donc ça, c'était en effet des vastes débats. Alors, en plus, il était quand même un peu paternaliste. Mais je crois qu'il reflète quand même d'une époque, faut voir l'époque où il était. Alors après, c'est vrai que moi, ce que peut-être j'aurais tendance à lui suggérer, c'est de quand même partager le savoir. Oui. Là, il ne voyait pas l'importance du partage du savoir pour l'avenir. Ça nous ramène, vous le dites bien, à l'époque, peut-être aussi à cette espèce de tradition. On parlait de l'importance qu'aura la religion pour lui, mais il y a quelque chose qui relève de la charité dans cette démarche, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Avec tout ce que ça veut dire. Ouais. Avec tout ce que ça veut dire. Alors, quand on voit l'ensemble de son œuvre, tout ceci est quelque peu balayé, donc vous ne me voyez pas très objectif, peut-être. Ouais. Mais le message, c'est le respect de la vie, c'est l'engagement. C'est « change ta vie, rêve ta vie ». Voilà, étant jeune, moi, je me souviens de son message « il faut rêver sa vie ». Aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore, je dirais, dans l'imaginaire des Gabonais? Comment il est perçu aujourd'hui, Albert Schweitzer, au Gabon? En fait, il existe comme une statue révérée, absolument pas oubliée. Et c'est ainsi, c'est-à-dire il est reconnu pour l'éternité. Ouais. Il n'y a pas du tout de rejet. C'est la même chose de ce Brazza, par exemple, qui a des statues également. Et donc, ça, c'est réconfortant. Ouais. Mais dans le monde entier, les jeunes, malheureusement, ont oublié sa démarche et ses écrits. Est-ce que l'hôpital, le village, existe toujours ? Il existe toujours, mais disons qu'il s'est renforcé sur le plan médical. Là, maintenant, on a un hôpital, comme un hôpital de district, très bien équipé, alimenté et gouverné par la Fondation Albert Schweitzer. Mais disons que les choses ont changé. Ouais. Et l'état sanitaire a changé également. Ouais. Ce n'est plus un endroit isolé, l'Embarrenée. Ouais. Alain Deloche, c'était fascinant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et c'était vraiment une grande joie de vous parler. Alain Deloche, chirurgien cardiaque, cofondateur, je vous le rappelle, de Médecins du Monde, fondateur de l'association La Chaîne de l'Espoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.